Comprendre un message sur un répondeur. Exercice 2. Odéon Théâtre de l'Europe, bonjour. Vous pouvez réserver vos billets par téléphone au 01 44 85 40 40, le matin uniquement, ou sur notre site internet www.theatre-odeon.fr. Nos programmes de la semaine. Au Théâtre de l'Odéon, Place de l'Odéon, Paris 6e, L'affaire de la rue de l'Oursine, d'Eugène Labiche, une comédie très drôle du 19e siècle. Tarif, 25 euros la place. Aux ateliers Berthier, 8 boulevard Berthier, Paris 17e, base 11-19. Un spectacle très contemporain de Guy Alloucherie, avec de la danse et du cirque. Tarif, 20 euros la place. Merci de votre appel et à bientôt dans l'une de nos salles.